bienvenue à votre podcast hebdomadaire du Lobster, enregistré dans les studios de Notre-Dame de l'Île-Perrot, des studios qui, ma foi, ressemblent grandement à une cuisine. Voici votre dose de divertissement où le plaisir et la bonne humeur sera toujours au rendez-vous. Accueillez-le avec amour, votre animateur, Freddy Boy! Allô, allô, bienvenue, bienvenidos, welcome to the Lobster 92.0. Un lobster qui a finalement obtenu sa licence 22F de la SACAM pour jouer de la musique. Donc, ma licence étant renouvelée pour une autre année, je vous remercie d'avance de m'accompagner dans cette aventure semi-musicale. Je dis semi car je jase, on écoute des clips drôles et bien sûr, on découvre mes choix musicaux ensemble. Cette semaine, on débute tout de suite par un peu de flûte à bec. Je sais que les auditeurs du Lobster écoutent principalement le Lobster pour entendre de la flûte à bec. Et oui, je le sais, les sondages que je fais faire le démontrent, vous adorez la flûte à bec. Et cette semaine, quand j'ai entendu cette pièce, je me suis dit que vous aimeriez. C'est du Vivaldi avec Lucie Horch à la flûte. C'est quand même beau. Moi, j'aime bien les chansons avec de la flûte. Je me demande même si c'est encore populaire à l'école. En fait, je sais même pas si les enfants apprennent encore la flûte à l'école. Faudrait que je demande à mes gars. Je me souviens même pas de les avoir vus avec des flûtes. Mais nous, dans mon temps, on apprenait. Je me souviens encore d'un petit bout de chanson de Céline Dion. J'aime le jouer chaque fois que j'ai une flûte entre les mains. Ah, tiens, une flûte. Et oui, c'est une colombe que Céline Dion, je pense, avait chantée au pape. C'est le seul bout de flûte à bec que je me souviens. Cette semaine, je voulais vous parler d'un jeu avec qui j'ai passé le temps dernièrement. Je ne crois pas vous en avoir parlé, mais je suis plus sûr. Des fois, je me demande si je me répète. Si je le fais, j'en suis sincèrement désolé. C'est peut-être l'âge ou un début de démence. Mais bon, je vous en parle quand même. Le jeu se nomme Forager. C'est un jeu qui s'inspire un peu de plusieurs jeux comme Stardew Valley, Terraria ou Minecraft. Donc, pour ceux qui connaissent ces jeux, ça vous donne une idée où on s'en va avec ce petit jeu. C'est un petit mélange de tout ça. C'est un jeu qui se joue seul. Tu commences avec une pioche comme dans Minecraft et tu commences à ramasser des ressources qui te permettront de créer des objets, comme un fourneau, un atelier de couture, etc. Et dans chacune de ces structures que tu construis, s'offre à vous de créer plein d'autres objets si vous arrivez, bien sûr, à trouver les ressources nécessaires. Ce que j'aime dans ce jeu, c'est que c'est pas un jeu de bataille. Oui, il y a des monstres, mais on meurt quasiment jamais, sauf si tu es vraiment pas bon. Une fois que tu as compris comment te nourrir avec de la nourriture cuite pour retrouver des cœurs de vie, tu ne meurs plus jamais ou rarement. Ce que j'aime dans ce jeu, c'est qu'à mesure que tu récoltes des pièces d'or, par divers moyens, tu peux acheter de nouveaux bouts de terre. Donc, au départ, tu commences avec un carré de terrain où tu peux te promener pour trouver les ressources. Et à mesure que tu as de cet or, tu rajoutes des carrés de terrain sur lesquels tu peux te rendre si tu construis des petits bouts de pont en bois pour t'y rendre. Et c'est là que c'est le fun, car chacun de ces carrés vient avec un puzzle. Tous les bouts de terrain que tu rajoutes t'apportent de nouvelles ressources et si tu arrives à résoudre l'énigme du puzzle, tu reçois souvent un gros trésor qui apparaît et qui contient un objet vraiment avantageux pour ton aventure. Par exemple, un premier terrain qui coûte pas trop cher au début apporte un musée. Quand tu rentres dans le musée, la personne te dit que si tu lui amènes tous les objets des collections, tu vas avoir des cadeaux. Donc par exemple, première collection, tu as 10 types d'objets que tu dois cuisiner pour faire la collection. Une autre, c'est 10 objets que tu dois miner, un autre 10 potions, 10 parchemins, bref, des choses à récolter ou à créer. Mais c'est pas facile de les trouver évidemment, donc des heures à trouver comment te les procurer. Un autre type de terrain, lui, t'amène un puzzle sous la forme de donjon. Je pense qu'il y en a 3 à résoudre dans tout le jeu. Donc, ces puzzles qui sont tous différents de terrain en terrain et ce qui donne sa particularité à ce jeu. Autre chose, au fur et à mesure que tu avances dans le jeu, tu as comme un arbre technologique que tu débloques à mesure que tu montes de niveau. Et donc, tu choisis de débloquer les innovations ou les pouvoirs qui t'intéressent. Par exemple, tu peux débloquer les banques qui vont te permettre de construire des banques qui te rapportent de l'argent toute seule. Ce qui est très avantageux pour acheter les bouts de terrain. Tu peux aussi débloquer par exemple la magie qui te permettra bien sûr de faire différentes choses liées à la magie. Voilà, c'est un peu ça l'essence du jeu Forager. Moi, je l'ai trouvé sur ma Xbox ce jeu grâce à mon abonnement à la Xbox Game Pass, je pense. Donc, je ne l'ai pas payé. Il était disponible dans les jeux de la PASS. Mais sinon, pour PC, je le vois en vente entre 15 et 25 $ sur Internet. Donc, c'est pas un jeu qui coûte bien, bien cher. Mais bon, moi, il va m'avoir coûté cher en bout de ligne car j'avais pas remarqué que je payais mon abonnement Xbox au mois par mois et je payais genre 16$ par mois. Un peu trop cher à mon goût. Bon, j'ai donc tout annulé ça. Donc pour moi, c'est fini ce jeu, mais si vous avez l'abonnement ou avez le goût de l'acheter, vous devriez essayer. C'est un bon petit jeu de pandémie qui est divertissant. Seul point négatif que j'ai remarqué avec ce jeu, c'est que quand on recommence, le jeu est pas mal semblable. Les mêmes terrains à la même place avec les mêmes puzzles et énigmes. Donc, à moins d'une expansion, la rejouabilité est très limitée. Voilà! Maintenant, un peu de musique pour se faire du bien. Bon, notre bloc musical n'est pas terminé, mais avant de jouer les prochaines chansons, je voulais juste vous faire une petite mise au point, juste pour vous dire qui chantait dans ces chansons, pour vous permettre de mieux les apprécier. Donc, c'est l'acteur et chanteur David Hasselhoff. Moi, je me souviens de lui comme l'acteur qui jouait dans K2000. Sinon, si vous voulez une référence plus récente, c'est lui qui jouait Mitch dans Alerte à Malibu ou qui était juge dans America Got Talent. Donc, surprise pour moi d'apprendre qu'il a une carrière musicale. Donc, on va y aller du plus ancien au plus récent et je dirais même du moins bon au meilleur. On va écouter un petit bout de son grand succès, Looking for Freedom de 1989, qui lui a valu un disque platine avec 500 000 disques vendus quand même. Suivra True Survivor et finalement, il chante dans sa première chanson metal avec le groupe Q-Stack. One morning in June, some 20 years ago, I was born a rich man's son. I had everything that money could buy, but freedom I had none. I've been looking for freedom. I've been looking so long. I've been looking for freedom, still it can't be so take my hand, believe in me. There's no pain we can endure. The world we created is worth fighting for. With hearts aflame, we make our stand. Quand même, la dernière chanson est pas mauvaise, et pour les autres, c'était un peu passé date. C'est pourquoi je ne vous ai fait jouer que la moitié de chacune. Le week-end passé, avec ma copine, on a écouté de quoi que je voulais vous parler. De quoi de pas mal intéressant? La tournée mondiale du Festival du film de montagne de Banff. Pandémie oblige, c'est une édition virtuelle cette année. Mais c'est quoi ce festival? En gros, c'est une projection de films de courte et moyenne durée sur des sports de montagne. Il n'y a aucun film en haut d'une heure. C'est des films qui durent environ 4 à, je dirais, 50 minutes. Et on avait le choix entre deux programmations de films, ou les deux combinés. Moi, j'avais offert en cadeau à ma copine la combinaison des deux. Donc, on avait accès aux 34 films qui donnent plus de 4 heures de films pour un coût d'une trentaine de dollars environ. Tout commence par un court vidéo de 4 minutes d'un skieur qui descend une montagne en faisant des pirouettes et en tombant dans 5 pieds de neige poudreuse. C'est beau à voir. Ensuite, sans ordre particulier, il y a des vidéos au panorama, cascades et défis époustouflants qui s'enchaînent. T'as une vidéo de 45 minutes par exemple de 3 amis qui décident d'aller courir 400 km au Tadjikistan, donc tu les suis dans leur projet un peu fou. Ensuite, le vidéo le plus risqué du lot. Une personne qui descend de faire la descente du K2 en ski. C'est ridicule un peu comme idée. Déjà, quand tu lis sur l'ascension du K2, tu peux lire que 25% des gens qui font l'ascension de ce mont meurent. Et oui, une personne sur 4 ne survit pas à l'ascension. Ce sont les stats actuelles pour vrai. Eh bien lui, en plus de monter, il descend et décide de redescendre en chaussant ses skis. Je vous dirais que dans tous les films qu'on a écoutés, c'est le seul que j'ai pas aimé. C'est juste un record, le gars a pas vraiment de plaisir, il skie pas vraiment, il essaie juste de pas mourir. Il se retient de skier car la falaise est toujours proche. Le K2, évidemment, c'est pas une montagne qui est faite pour skier, donc il est juste chanceux de survivre. Donc c'est un défi un peu fou qui donne un film qui est pas le meilleur. Sinon, il y a des vidéos le fun qui font juste du bien. Deux gars qui partent faire du ski et du surf, par exemple. Tous ces films dont je vous parle sont évidemment tournés de belle façon et de haute qualité, donc sur une grosse télé, c'est déjà beau, mais j'imagine qu'en temps normal, au cinéma, ça doit être magique. Justement, il y a quelques films d'escalade, et moi, qui ai le vertige, eh bien, j'avais les mains moites plusieurs fois. Les prises de vue avec drone sont souvent à couper le souffle et me donnaient le vertige. Il y a aussi des films de vélo de montagne, un film de kayak et mon film préféré, qui dure 34 minutes, c'est l'aventure de trois copains qui passent 19 jours sur un mur vertical de 1200 mètres de haut. 19 jours, c'est ce qu'il a fallu à un trio de grimpeurs belges pour réaliser la première ascension libre du El Regalo de Moineau sur les Torres del Paine en Patagonie. Ça, c'est un film qui prend la forme d'un journal d'expédition à travers lequel l'un des alpinistes s'interroge sur l'importance de l'ego dans une performance d'équipe. C'est très impressionnant car de l'ascension libre, c'est de monter en utilisant seulement les prises du rocher, donc c'est tout qu'un défi. Bien sûr, ils ont des cordes et s'attachent, mais pour chacune des sections du 1200 mètres qu'ils montent, au moins un des trois monte chaque section en escalade libre. Donc souvent, ils montent normalement avec tous les gadgets d'escalade et ils s'attachent. Et là, ils regardent comment ils vont faire pour monter ce qu'ils viennent de faire, mais en escalade libre. Il regarde donc où sont les prises, comment se placer, et ensuite, tu vois qu'un des trois redescend et s'essaie jusqu'à réussir. Et c'est ça qu'on nous montre. Ils font toutes les sections comme ça. Les 1200 mètres, c'est un très beau film. Un autre film que j'ai bien aimé est encore un film d'escalade. Là, c'est une femme qui essaie de monter à une place pas mal difficile. Aucune femme n'a réussi avant elle. Il y a des passages où elle est comme en dessous de la paroi. Bref, c'est extrêmement difficile et on la voit manquer son coup jour après jour jusqu'à sa réussite. À force d'essayer, elle apprend les bons mouvements à faire pour passer chacune des sections. C'est beau à voir. Un autre film pas trop long se nomme FKT pour Fast at No Time. Le principe est simple, tu as un chemin qui monte en haut d'une montagne. Le but est de monter et de descendre le plus rapidement possible. Donc, d'essayer de battre le Fasted No Time pour cette route, FKT. Donc, tu essaies de battre celui qui a été le plus rapide. Donc, dans ce film, tu vois une fille partir en courant, monter le mont Brunswick en Colombie-Britannique et redescendre aussi vite qu'elle peut et réussir à établir un record pour cette route. C'est tout qu'un exploit, surtout quand tu la vois arriver sur le dessus du mont et sauter sur les arêtes à toute vitesse, alors que si elle manque son coup, elle risque la chute mortelle. Voilà, c'est un peu ça le festival de films de montagne de Banff. Je pense qu'au moment où ce Lobster va sortir, le festival va être fini. Bon, c'est plate un petit peu, c'est du 20 au 31 janvier. Bon, place à la musique maintenant. Life it seems was little worth. C'est un anniversaire tous les jours pour les femmes de 25 ans et plus, grâce à Loving Care, la lotion colorante. Nous croyons en vous, car 30 ans, c'est le bel âge. Voyez, c'est un colorant et un traitement en même temps sans peroxyde. Loving Care de Clairol. Tu ne vieillis pas, tu embellis. Joyeux anniversaire. Peu importe votre style en photographie, Direct Film a une offre très spéciale pour vous. Jusqu'à la fin septembre, Direct Film vous remettra gratuitement le nouveau poster de sa collection exclusive de clowns. De format 20 pouces sur 24, ce poster couleur est offert gratuitement avec chaque film développé. Apportez vite vos films chez Direct Film. Rappelez-vous, vous recevrez un poster de clown gratuit avec chaque film développé. Je suis tombé cette semaine sur une compilation de statistiques spéciales. Les utilisateurs de Reddit ont recensé les statistiques qui les avaient les plus impressionnés. Il y en a une quinzaine, donc on prend le temps de regarder ça ensemble et tant qu'à parler de statistiques, je vais pousser un peu plus pour voir si elles font du sens ou essayer d'apprendre de quoi autour de la statistique dont on parle. Donc je vous lis la statistique avec son texte et on en jase. La première. 80% des hommes soviétiques nés en 1923 étaient morts en 1946. Ici, cette statistique donne une idée des pertes soviétiques pendant la Deuxième Guerre mondiale. Rien que le siège de Stalingrad a fait plus de victimes que l'intégralité des pertes américaines pendant cette même guerre. Bon, je savais pas c'était quoi la bataille de Stalingrad. Et c'est une bataille qui a opposé l'URSS au Troisième Reich pendant 6 mois. Au départ, les armées de l'Axe ont attaqué la ville, il y a eu des combats urbains et ont réussi à conquérir la ville. Mais l'URSS a répliqué et a repris la ville. Mais le coût humain a été incroyable. Il y a eu 800 000 morts du côté soviétique, civils et combattants. Et du côté de l'Axe, il y a eu morts de 400 000 militaires allemands, roumains, italiens, hongrois et croates. Voilà, c'était la première statistique. Une deuxième. Londres a dû attendre 2015 pour retrouver sa population de 1939. Donc 76 ans pour y revenir à sa population, donc c'est l'impact de la guerre qui a fait diminuer sa population. Je suis allé voir et en 1901, Londres comptait déjà une population, en comptant ses banlieues, de 6,6 millions d'habitants. Et tout ça a chuté pendant la Deuxième Guerre pour s'établir à 3,5 millions en 1950. Troisième stat. Depuis 15 ans, 15% des recherches Google recensées quotidiennement n'ont jamais été effectuées auparavant. Donc, quand on utilise Google pour faire un search, pour chercher Lobster par exemple, eh bien, 15% des recherches n'ont jamais été faites avant. Donc, dans 15% des cas, les gens cherchent de quoi qui n'a jamais été cherché avant. Une belle stat inutile. Quatrième, il y a 30 fois plus d'arbres sur Terre que d'étoiles dans la Voie lactée. Bon, je t'allais valider. Il y aurait en ce moment environ 3 000 milliards d'arbres sur Terre. Et l'estimé, je parle évidemment d'estimer, car évidemment personne n'a compté le nombre d'étoiles ou d'arbres. Donc l'estimé pour le nombre d'étoiles de toutes sortes dans la Voie lactée serait entre 100 et 400 milliards. Donc, on est plus dans l'ordre de 10. Il y aurait 10 fois plus d'arbres sur Terre que d'étoiles dans la Voie lactée. Mais combien y a-t-il d'étoiles dans l'univers? Je peux le lire et le trouver dans un wiki. Si on calcule le nombre d'étoiles dans notre univers observable, on est à 10 à la puissance 23 d'étoiles. Un chiffre astronomique qui me laisse penser qu'il y a probablement des arbres sur d'autres planètes que la nôtre. Cinquième statistique. Seuls 5 à 10% des vins se bonifient après un an et ils sont seulement 1% après 5 ans. Une bonne raison pour ouvrir tout de suite cette vieille bouteille. Bon, je suis allé sur le wiki vieillissement du vin et on y dit « La grande majorité du vin n'est pas vieilli et même le vin vieilli est rarement vieilli longtemps. On estime que 90% du vin est destiné à être consommé dans l'année suivant la production et 99% du vin dans les 5 ans. Il y a une idée fausse répandue que le vin s'améliore toujours avec l'âge ou que le vin s'améliore avec le vieillissement prolongé ou que le potentiel de vieillissement est un indicateur de bon vin. Donc, s'il y a des amateurs de vin, allez lire la page wiki « Vieillissement du vin ». Dans la section « Potentiel de vieillissement », ils indiquent les vins qui ont des bons potentiels. Par exemple, les Porto ont un bon potentiel sur 20 à 50 ans, les Grands Crus de Bourgogne, bon potentiel jusqu'à 25 ans, et etc. Et des exemples de vins qui n'ont pas de potentiel de vieillissement, il y a les vins de table européens, vins rosés et Porto Tawny. Je sais pas pour vous, mais moi j'apprends des choses avec ces statistiques un peu idiotes. Sixième statistique. Quand on vit 90 ans, on ne vit que 5000 semaines. C'est rien du tout. On a l'impression de vivre éternellement le même week-end, mais en réalité, on ne le vit que 5000 fois. 7. Il y a 2,3 papes par kilomètre carré au Vatican. Le Vatican fait 0,44 km carré, donc comme il y a un pape, je vous laisse vérifier le calcul. 8. Une statistique qui est très rassurante. 43% des pilotes d'avion admettent qu'ils s'endorment pendant les vols. 9. 8% des Mongols descendent directement de Genghis Khan. Bon, ici je suis allé vérifier quand même, je veux comprendre. Déjà là, est-ce que Genghis Khan a au moins eu de la descendance? D'après ce que je lis, il a eu 4 fils et 5 filles. De ces 4 fils sont issus les Khans de la Horde d'Or, les Chabanides, les Astrakides, la dynastie Yuan en Chine, etc. Et ça continue comme ça. Donc, les fils faisaient plein d'enfants qui étaient nommés des Khans et qui semblaient régner sur des portions de territoire au nom de Genghis Khan. Mais est-ce que maintenant, avec les tests ADN, tout ceci se prouve? Eh bien, il y a une section là-dessus. Les preuves ADN de descendance patrilinéaire. Tatiana Zergal et d'autres chercheurs déclarent en 2003 avoir identifié une lignée de chromosomes Y sur environ 8% des hommes d'une grande partie de l'Asie, soit environ 0,5% du total mondial des hommes. L'étude suggère que la forme des variations génétiques trouve son origine il y a 1000 ans en Mongolie. Une expansion aussi rapide n'a pas pu se faire par simple dérive génétique, mais par sélection naturelle. Les auteurs proposent donc que cette lignée est portée par des descendants de Genghis Khan et qu'elle s'est répandue par sélection sociale. Selon cet ADN, Genghis Khan ferait partie du haplogroupe C310. Donc, cette stat serait vraisemblablement plausible. Bon, il me reste encore quelques stats à vous présenter et analyser avec vous. On va prendre une pause et on continue après. Bah c'est bon, c'est du yaourt et il y a du calcium. Et regarde, c'est nouveau, c'est sans colorant. Ah ouais? Bah c'est pas réservé qu'aux ados, hein. C'est pas parce que c'est bon que c'est à toi. Hein. Tiens. Tu crois quand même pas que je vais boire après toi? Mais je suis ta mère. Ouais, mais c'est mon yop. Ah, c'est ton yop! Parce que c'est toi qui l'achètes avec ton argent, peut-être? Je crois pas, non. Tu bosses, toi, ou tu glandes dans ton école d'art que je te paye 7000 euros par an? Et le soir, tu rentres, tu te branles sur YouPorn, sur ton ordinateur, que je t'ai offert pour ton anniversaire. Est-ce que tu sais à quel point tu m'as déchiré la chatte quand t'es venu au monde? Et tout ça pour une capote de merde qui a craqué, sa fils de pute! Eh ouais, ta mère, elle fait le tapin! Et pourquoi? Eh ben pour t'acheter ta PlayStation, là, et tout ton bordel! Alors c'est pas ton yop, ok? C'est notre yop! C'est clair, là? Oui. Dans ta chambre, mon amour. Allez, je viendrai te chercher. Nouveau yop, sans colorant. Ouais, mais c'est notre yop. C'est bien, mon chaton. Ces derniers temps, je la trouvais un peu molle. Elle était pas très dynamique. Disons qu'elle me répondait plus. Elle, c'est ma bite. Eh ouais. Vous pensiez que j'allais vous parler d'un placement financier ou d'une assurance? Eh ben non, je parle de ma bite. Ouais. Ma bite. Les courses chez Casto, je l'aime. C'est ma bite. Je fais des combats de regard et me frotte dans le métro. Ma bite, ma bite. J'ai une grosse voiture. Ma bite, ma bite. Et les clés à la ceinture. Et je gagne 20% de plus qu'une meuf. Sa bite, sa bite. Et elle est trop stylée. Sa bite, sa bite. Livrée à ma dominée. Vous pouvez toujours croire ce qu'il y a dans les livres d'histoire. Rome s'est construite à coups de bite. Vous pensiez que je le dirais pas, mais je l'ai dit. La tour Eiffel, ça ressemble à une bite. Et la place de la Bastille, ça ressemble à une bite aussi. Les plus grands gouvernements sont surtout composés de glands. Les salaires, les harcèlements, les papas qui trompent les mamans. Et puis par-dessus tout, le plaisir de pisser debout. Pour rien au monde, je deviendrai une meuf. La politique, c'est aisé. Le business, c'est aisé. Le sport, c'est aisé. Les trucs mignons, et pour les meufs. Poutine, c'est aisé. La publicité, c'est aisé. Les intégristes, c'est aisé. Et les zizi, les gros zizi. La bite, oh. Millions d'années, domination masculine. Le Big Bang s'est fait à coup de pin. Elle, c'est Macha. Hey, qu'est-ce que tu fais là? Bah, je fais une chanson sur Macha. Ça va pas, non? T'es malade? Bah, vous faites bien une chanson sur votre bite, tu vois pas pourquoi moi je pourrais pas. Bah, parce que t'es. C'est vulgaire. T'es vulgaire. Bon, une petite pause non vulgaire, ça fait toujours du bien. On en était où? Oui, la 10e statistique. La Terre a perdu la moitié de sa faune en 40 ans. Cette statistique aurait fait beaucoup parler d'elle à sa sortie. Mais bon, c'est quand même assez alarmant si c'est vrai. Allons vérifier. Tous les articles que je vois parlent de la Terre a perdu 60% de ses animaux sauvages en 44 ans. Mammifères, oiseaux, poissons. Sous la pression de l'homme, la Terre a vu ses populations de vertébrés sauvages décliner de 60% entre 70 et 2014, annonce le Fonds mondial pour la nature dans un bilan plus alarmant à chaque édition. Bon, explication première, c'est la perte des habitats avec l'agriculture intensive, l'extraction minière, l'urbanisation qui pousse à la déforestation, à l'épuisement ou à l'artificialisation des sols. Au Brésil, qui vient d'élire un président dont le programme n'évoque ni la déforestation ni le réchauffement, la forêt amazonienne rétrécit toujours plus, comme la savane du Cerrado, au profit du soya et de l'élevage bovin. Mondialement, seulement 25% des sols sont exempts de l'empreinte de l'homme. En 2050, ce ne sera plus que 10% selon les scientifiques. S'ajoute à cela surpêche, braconnage, pollution, espèces invasives, maladies, dérèglements climatiques. Bon, donc c'est une stat un peu moche qui montre que ça va pas trop bien. Mais maintenant que vous êtes au courant, vous pouvez aider pour que ça change. Donc si chaque lobster, on est environ 200-300, si chacun de nous accueillons chez nous un animal sauvage, ça pourrait donner un coup de main. Moi, je choisis le ragondin, une espèce de gros rat d'eau que je vois parfois en kayak. Je vais lui aménager un petit coin bien tranquille en arrière, court chez moi, et essayer d'en préserver. Donc, vous pouvez faire la même chose chez vous. Vous pouvez, par exemple, sauver un poisson attrapé lors d'une pêche et le mettre dans un bassin d'eau chez vous ou dans le bain si vous n'avez pas grand place. Vous le faites se reproduire et bang, vous sauvez la planète. Statistique 11. Si l'on réunit 70 personnes, il y a 99,99% de chances qu'au moins deux d'entre elles fêtent leur anniversaire le même jour. Et maintenant, sachant ça, quelle est la probabilité pour qu'ils aient tous un anniversaire différent? Si on attribue une date d'anniversaire à la première personne, il ne reste que 364 jours pour la deuxième, 363 pour la troisième, et ainsi de suite. Et pour calculer cette probabilité, il suffit de multiplier tous ces ratios. 365 sur 365 multiplié par 364 sur 365, etc. Le résultat est inférieur à 0,01%. Bon, c'est le genre de statistique qui me surprend par son inutilité. J'ai même pas le goût de vérifier ou d'en parler plus. Statistique 12. Cela prendrait 42 minutes de chute libre pour parcourir la distance d'un pôle à l'autre de la Terre. En gros, si quelqu'un de très très patient et très bien outillé creusait un trou depuis Paris jusqu'à l'autre côté de la Terre et qu'on avait la bonne idée de sauter dans le trou, on mettrait 42 minutes à arriver de l'autre côté, ce qui simplifierait les voyages, mais Malheureusement, en temps de pandémie, on ne voyage pas, donc je vous dis, ne creusez pas de trous pour rien. Statistique 13. Un quart des Sud-Africains ont reconnu avoir déjà violé quelqu'un. Bon, c'est une vraie statistique. J'ai vérifié, c'est malheureusement vrai. D'après un sondage établi par l'ONU, entre 1998 et 2000, l'Afrique du Sud a le plus fort taux mondial de vols par habitant. Ce sondage estime qu'une femme née en Afrique du Sud a plus de risques d'être violée que de chances d'apprendre à lire. Ouais, c'est un petit peu triste. En 1998, une femme sur trois, sur les 4000 femmes interrogées à Johannesburg, a été violée selon CIET Afrique. Plus de 25% des hommes sud-africains interrogés en 2009 par le Conseil de recherche médicale d'Afrique du Sud admettent avoir déjà violé quelqu'un et parmi eux, presque la moitié dit avoir violé plus qu'une personne. Les trois quarts de ceux qui ont admis avoir été violés l'ont été pour la première fois durant leur adolescence. On estime que 65 000 viols sont commis chaque année en Afrique du Sud. Bon, c'est très triste. Statistique 14. Il y a plus de manières de mélanger un paquet de 52 cartes que d'atomes sur Terre. Il y a exactement 6 fois plus de manières différentes de mélanger un paquet que d'atomes sur Terre, ce qui signifie qu'à chaque fois que vous mélangez les cartes, vous le faites très probablement d'une manière qui n'a jamais été encore faite par personne dans l'histoire de l'humanité. Et comment je peux vérifier ça? Ben, je le vérifierai pas, c'est assez les stats. Enfin, je suis arrivé en bout de liste. Et j'espère que vous avez aimé. C'était un peu divertissant, on a quand même appris 2-3 choses. Donc, un petit peu de musique! Notre prochain célibataire va maintenant se présenter à nos 3 candidates. Bonsoir, mesdemoiselles. En passant, vous êtes assez touffes. Tout fantastique, chacune d'entre vous. Alors moi, je suis propriétaire de bar, je m'appelle Steve. Moi, je suis un enfant de Chicoutimi. On dit souvent de moi que je suis un troubadour, toujours un peu bohème, un mangeur de toutes sortes de cuisines. Ici, je dois dire que je m'attends de votre part à me faire supporter dans les moments difficiles, de façon orale, bien sûr. Alors, mon but, ce serait de toutes vous aligner, c'est comme une après l'autre, là, puis de toutes vous fournir l'occasion de mieux me connaître, puis moi aussi, de l'autre bord, de bien vous approfondir, puis déjà, je sens qu'il y a une chimie entre nous. Alors, celle que je recherche a une grosse personnalité, puis en plus, c'est très important qu'elle n'avait pas de problème avant de venir ici. Puis aussi, qu'elle aime se faire venir dans son appartement des mets chinois. Moi, je suis vraiment amateur de mets chinois. Et je voudrais vous dire, en terminant, que vous êtes une gang de salopes, pas d'allure, à quel point vous êtes élégante ce soir, mesdemoiselles. Arthur! Ah! Putain, la vache, ta trouille! Il faut que je vous parle! Non, mais d'accord, mais putain, prévenez! Donc après la fourche, je continue 60 lieues vers le nord. Ouais, enfin, 60-65. Bon, mettons, après. Normalement, vous arrivez à une grande clairière. À quoi je la reconnaîtrai? Bah, elle est grande. Bref, d'accord. Et au milieu, il y a un rocher triangulaire qui marque l'entrée de la grotte de Padraig. La grotte de Padraig, d'accord. Donc je rentre. Vous rentrez et vous parcourez les souterrains à la recherche de l'ogre à deux têtes. D'accord. Et quand je tombe sur l'ogre à deux têtes, je le zigouille. Bon. Vous avez un petit quelque chose pour moi? Une protection magique, une potion Non, j'ai ça. Qu'est-ce que c'est? C'est un genre de cake. Mais un cake magique? Ah, non, c'est un cake. C'est pour la route. Merci. Oh, on voit pas à deux pas devant soi, quelle épouvante. Ah bah c'est une grotte quoi, c'est sûr que c'est pas ce qu'il y a de plus éclairé. Hein. Mais qu'est-ce qu'il est long ce tunnel, mais c'est affreux, ça fait combien de temps qu'on marche là-dedans? Mais des heures. Les torches vont bientôt s'éteindre et on pourra même plus rebrousser chemin. On pourra toujours, mais dans le noir. Mais pourquoi pas, cloche-pied? Je vous rappelle qu'à part nous, il y a quand même l'ogre à deux têtes qui se promène dans cette grotte. Ah bah celui-là, j'aimerais quand même bien qu'on finisse par tomber dessus. Eh ben moi, je vous annonce tout net que je suis pas pressé. Et ça serait que de moi. Ça serait que de vous, vous serez déjà parti en courant comme une femme, ça va, hein, on commence à vous connaître. Mais hein. Figurez-vous, j'ai pas honte. Je vois pas ce que ça a de si curieux de vouloir rester en vie. Encore, d'habitude, il y a un trésor à la clé, ou un objet magique, ou une relique. Là, en plus, on fonce droit sur le péril pour rien. Comment ça, pour rien? Ben, c'est vrai ou c'est pas vrai? Bah, c'est bien, oui, cette fois, la dame du lac a pas parlé de récompense. Mais vous rigolez, j'espère. Non, mais elle a pas parlé de récompense matérielle. Il y a toujours la gloire. La gloire, moi, ça va, hein, j'ai ce qu'il faut, hein. La gloire de glorieuses funérailles, oui. Encore faudrait-il qu'on vienne retrouver nos carcasses jusqu'ici. À la condition, bien sûr, de pas terminer dans l'estomac de l'autre opération à deux têtes. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, elle a dû oublier de m'en parler, c'est tout. Ah, mais ça serait bien la première fois quand même. D'habitude, au contraire, pour vous stimuler, elle vous parle d'abord du pognon. Mais j'ai pas besoin qu'on me parle de pognon pour être stimulé, figurez-vous. Du pognon, j'en ai. C'est justement la gloire qui commence à faire défaut. Seulement ça, la gloire, tout le monde s'en tape. Non, mais c'est pas tellement qu'on s'en tape. C'est vrai que quand il y a 2-3 piécettes derrière, c'est un petit plus, quoi. Moi, je vais pas vous forcer la main. Si vous voulez pas y aller, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? On veut pas. Jusqu'à preuve du contraire, c'est pas nous de décider. C'est vous, le roi, que je sache. Je suis peut-être le roi, mais j'ai pas envie que ça se passe comme ça. Si on y va, tous là, soudés, ensemble, et qu'on désingue le gras de tête pour la gloire du truc, ok? Mais si je suis tout seul devant et que les deux autres traînent la grotte sous prétexte qu'il n'y a pas de récompense, ça me gonfle. Honnêtement, je préfère rentrer. Oh non, mais moi, je veux pas prendre la responsabilité de ça, hein. C'est vous, le boss, hein, au bout d'un moment, hein. Oui, mais là, le boss, il en a plein sa musette, hein. Alors, vous vous décidez, pour une fois, et moi, je suis. J'expliquerai à la dame du lac que, je sais pas, on n'a pas trouvé la grotte, et c'est marre. Ah non, mais moi, je décide rien du tout, moi, rien. Bon, décidez-vous, Bohort, tiens. Bon. Non, moi je pense qu'il vaut mieux qu'on rentre, hein. Il y avait plusieurs clairières, déjà. Et puis, des rochers triangulaires, j'aime autant vous dire. Il n'y avait que ça, des rochers triangulaires. Bah ouais, mais c'est dommage quand même. Oh, moi je suis bien d'accord avec vous. Alors du coup, vous avez pas ramené l'émeraude géante. Quelle émeraude géante? Bah oui. L'ogre à deux têtes, il a avalé une émeraude géante. C'est pour ça qu'il faut le trouver et l'ouvrir en deux. Putain, j'avais pas compris ça comme ça, moi. Non, je vais remonter une petite équipe, hein, maintenant que je connais le chemin. Moi, j'essaie de trouver une solution. Parce que vous appelez ça une solution, vous? Je suis désolé, je peux pas en même temps commander à droite et à gauche. Il faut que je délègue les lanciers à Perceval. Non, mais allez, c'est bon, je vais le faire, laissez tomber. Mais enfin, vous allez pas tout faire. C'est un de vos hommes, quand même. Seigneur Perceval, venez, on a besoin de vous. Je peux pas, je surveille le stock de pain. Le seigneur Calogrenant est parti il y a 2 jours pour placer son armée en amont de la rivière. Ah, c'est pour ça qu'il est plus là? Bah oui, on l'a envoyé se positionner en avance. Ah bon? Moi je croyais qu'il était rentré chez lui, alors je me disais, il se fait pas chier quand même. Bref, alors nous, quand on va arriver dans la plaine, le seigneur Calogrenant pourra lancer une attaque surprise par la droite. Plutôt dans le sens du courant de la rivière, alors? Non, ça je sais pas vous dire ça. Bon, et en dernier recours, Léo Dagan se tient prêt avec 150 cavaliers qui arriveraient par la gauche. Par la gauche? Par la gauche, oui. Non, mais par rapport au courant de la rivière. Ben, j'en sais rien, moi. Mais qu'est-ce que vous venez emmerder le monde avec votre rivière, vous? Mais bon, la gauche, la droite, c'est bien gentil, ça, mais moi, il me faut du concret. Mais c'est pas compliqué, mon Dieu. Il y a Calogrenant à droite, Léo Dagan à gauche, et nous, on arrive par le milieu. C'est bon jusque-là? Attendez, moi, si je me souviens bien du coin, il y a la rivière qui passe en travers. Ah, mais merde, avec votre rivière! C'est un point de repère comme un autre. Mais bon Dieu, il n'y a pas besoin de point de repère, puisque les envahisseurs vont nous attaquer de face. Non, mais de face, ça va, c'est le reste qui va pas. Mais quoi, nom d'un chien? La gauche, la droite, là, moi, j'aime pas ces trucs. Mais qu'est-ce que vous aimez pas? Ces conneries de gauche et droite, ça veut rien dire, ces machins. Selon comment on est tourné, ça change tout. Mais qu'est-ce que vous nous chantez? Moi, j'estime que quand on parle tactique militaire, il faut employer des termes précis. Bah oui, effectivement, ça peut prêter à confusion. Ah mais attendez, c'est pour vous qu'on dit gauche et droite, nous, c'est pour pas vous embrouiller? Si, ça m'embrouille. Ah bon, on peut parler normalement, alors? Professionnel. Bon, alors, ok, on reprend depuis le début. Donc, Calogrenant est posté depuis hier soir, on en reste de la zone d'attaque. Léo Dagan, sud-sud-est, un peu plus en retrait avec ses cavaliers. Moi, j'aime pas ces histoires de sud-est, nord-ouest et tous ces machins, là. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a qui va pas encore? Et ça a quoi se planter, ça? De toute façon, on dit le nord. Selon comment on est tourné, ça change tout. Calogrenant, ça va? Maintenant, Léo Dagan, il est où? Du côté de la forêt, un peu après la clairière, où il y a une grosse pierre qui ressemble à une miche de pain. Voilà! Là, c'est pro! Là, je comprends! Et quand Calogrenant va arriver, il va couper par où? Il va couper du côté de la rivière, à gauche... Ah, attention! Pardon. du côté de la rivière où il y a les brebis qui passent. D'accord. Allez, c'est bon. Je les attends, les envahisseurs. Ils vont se prendre mon épée dans les côtelettes, ça va les calmer pour un moment. Ah, j'ai hâte d'y être. Ils vont se frotter à la fausse patte du Pays de Galles. Les fausses pattes, c'est des gauchers. Bah oui. Vous n'êtes pas gaucher, vous. Ah bah si. Vous dégainez de la main droite. Merde, comment on dit l'inverse d'une fausse patte? Je sais pas, on dit rien. La vraie patte? Attendez, la vraie patte du Pays de Galles, ça veut rien dire. Vous voulez que je passe pour un con? Seigneur Perceval! C'est le chef de rang qui l'envoie, ils ont discuté de la signalétique. Et alors? Donc ce sera bras gauche en l'air pour une salle de flèche et bras droit en l'air pour envoyer les lanciers. Toi, un jour, je te crame ta famille, toi. Hey, j'avais pas remarqué qu'on était déjà si avancé dans ce Lobster 92.0. Donc, avant de vous laisser en musique jusqu'à la fin, je voulais vous souhaiter une bonne semaine de confinement. Respectez bien le couvre-feu de 20h si vous êtes au Québec, et ça va bien aller. Je regarde autour de moi, les adultes ne font qu'inhaler. Les rues sont vides, même les oiseaux se sont en allés. Pas manger peur parce qu'ils disent que tout le monde est malade. Regarde-moi dans les yeux et dis-moi que ça va bien aller. Je regarde autour de moi, les adultes ne font qu'inhaler. Les rues sont vides, même les oiseaux se sont en allés. Pas manger peur parce qu'ils disent que tout le monde est malade. Regarde-moi dans les yeux et dis-moi que ça va bien aller. Papa m'a dit, aujourd'hui on t'achète des biscuits. Et je lui ai dit, je voulais vraiment venir avec lui. Le masque me gêne, je veux l'enlever, je crois que je manque d'oxygène. Mais j'écoute les grands parce que t'as jamais raison quand t'es jeune. Et dans ma classe, pour moi c'est un mille la plus belle. Et on séparait nos deux bureaux, donc je suis vraiment loin d'elle. J'ai vu une fleur, donc je l'accueille pour donner à ta mère. Mais le prof refuse, elle a pris de peur qu'on se contamine. Pour Halloween, dans un riz, je voulais me déguiser. Mais c'est bizarre, cette année, je vois aucune maison décorée. Mémé m'a dit que c'est Dieu qui remplit le sac du Père Noël. S'il te plaît Dieu, je veux juste ma vie d'avant, je veux pas de jouer. Je regarde autour de moi, les adultes ne font qu'inhaler. Les rues sont vides, même les oiseaux se sont en allés. T'as mangé peur parce qu'ils disent que tout le monde est malade. Regarde-moi dans les yeux et dis-moi que ça va bien aller. Je regarde autour de moi, les adultes ne font qu'inhaler. Les rues sont vides, même les oiseaux se sont en allés. T'as mangé peur parce qu'ils disent que tout le monde est malade. Regarde-moi dans les yeux et dis-moi que ça va bien aller. Je sens que la mort est proche. Depuis le début de la pandémie, j'ai plus revu mes proches. Et mon plus jeune a mis sa femme enceinte. Ma petite fille va naître dans un monde où le diable se déguise en saint. Ça fait 2 semaines qu'ils disent qu'il y a éclosion parmi les nôtres. C'est peut-être pour ça qu'ils viennent tous vêtus comme des astronautes. À ce qui paraît, tout le monde ici va mourir du virus. Et si c'est le cas, au moins j'irai rejoindre ma Vénus. Je regarde autour de moi, tout le monde a peur de s'approcher. Le centre est vide, les infirmières se sont en allées. Mon fils, j'ai peur parce qu'ils disent que tout le monde est malade. J'ai peur pour toi, t'inquiète pas pour moi, ça va bien aller. Je regarde autour de moi, les adultes ne font qu'inhaler. Les rues sont vides, même les oiseaux se sont en allés. T'as mangé peur parce qu'ils disent que tout le monde est malade. Regarde-moi dans les yeux et dis-moi que ça va bien aller. Je regarde autour de moi, les adultes ne font qu'inhaler. Les rues sont vides, même les oiseaux se sont en allés. T'as mangé peur parce qu'ils disent que tout le monde est malade. Regarde-moi dans les yeux et dis-moi que ça va bien aller. bliss on a sunny afternoon.